إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 52 et c'est le dernier cours, inshallah. On va terminer le livre, l'explication de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. On termine aujourd'hui, inshallah. Donc on a expliqué au dernier cours que il y a plusieurs formes de tawarit et plusieurs sortes de tawarut. Hein, tawarit, c'est le pluriel de tawarut. Et qu'on a expliqué qu'il y en a plusieurs, mais que les têtes des tawarit sont de 5. Wa ru'usuhum khamsa, comme l'a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On a mentionné que le premier, c'est Iblis. Ok? Le Shaytan. Ensuite, on a mentionné que le deuxième, c'est man obida wa huwa radin, c'est-à-dire celui qui est adoré et qui est satisfait d'être adoré. C'est-à-dire les gens lui offrent des actes d'adoration, se prosternent devant lui, et ils font des choses de ce genre, puis lui, il est content de ça, il accepte ça. Donc ça veut dire que c'est un tarout. Ensuite, on a expliqué le troisième, que c'était Manda'a ila ibadati nafsihi, c'est-à-dire celui qui invite les gens à ce qu'on l'adore. Celui qui invite les gens à ce qu'on l'adore, à ce qu'on lui offre des actes d'adoration. Donc ça, c'est une autre forme, un autre tarout. Et ensuite, quatrièmement, on a dit Manida'a shay'an min ilm al-ghayb, c'est-à-dire quiconque prétend posséder quoi que ce soit de la connaissance du ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, c'est-à-dire il n'y a personne qui connaît dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne qui connaît le ghayb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mentionner que il ne connaît pas le ghaib, puis que s'il connaissait le ghaib, il aurait ramené tout le bien vers lui, puis aucun mal ne l'aurait touché. Mais la preuve que dans plusieurs occasions il y a des choses mauvaises qui lui sont arrivées, c'est la preuve qu'il ne connaissait pas le ghaib. Hein? Sinon, il aurait évité ces choses-là, par exemple. Donc, on est arrivé par la suite au cinquième, parmi les formes de tawarit, et on a dit que c'était man hakama bi ghayri ma anzalallah, c'est-à-dire celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Donc, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors c'est un tarout, c'est un tarout aussi. Et le cheikh explique, il donne un verset qui prouve qu'est-ce que c'est le tarout et l'explication du tarout. Il dit والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, ça c'est le cinquième parmi les exemples de Tarut. Puis il dit, et la preuve de ce qu'on a dit, c'est ce qui est révélé dans le Coran, dans le verset 256, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, la ikraha fi din, c'est-à-dire, ça signifie, il n'y a pas de contrainte, nulle contrainte dans la religion. Nulle contrainte dans la religion. La vérité, la droiture a été clairement distinguée de la déviation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est droit, se distingue clairement de qu'est-ce qui est dévié. Donc on n'a pas besoin de contraindre les gens, parce que la religion elle éclaire la vérité. Hein? Et il dit, alors quiconque a renié le tarout alors qu'il a cru en Allah, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est l'audient et l'omniscient. Donc ça c'est la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire ce verset quand Allah dit celui qui renie le tarout et qui croit en Allah, ça c'est la signification de la ilaha illallah. Puisque la ilaha c'est la négation de tout ce qui est adoré. Illallah, c'est l'affirmation que seul Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et ensuite, le cheikh explique maintenant, cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il explique maintenant qu'est-ce que ça signifie, yani cette catégorie de tarout, et qu'est-ce que signifie ce verset. Donc il va dire, « Man hakama bighayri ma anzal Allah, وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت لأن الله عز وجل كلف الخليقة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة فإذا تحكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملائمة لزمانهم وأوضاعهم فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت. Donc le cheikh il dit que la cinquième catégorie parmi les catégories de tawarit, c'est yani parmi les têtes des tawarit, c'est yani le fait de juger par autre que ce qu'Allah a révélé. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé la création de juger selon ce que Allah a révélé dans son livre et dans la sunna. Alors lorsque les hommes prennent autre que la révélation d'Allah et qu'ils considèrent que autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une référence pour eux dans la législation et dans la référence pour juger dans leurs affaires, et qu'ils considèrent que c'est ça qui est bénéfique et c'est ça qui sert leurs intérêts, et qu'ils accusent en même temps la charia d'Allah et la révélation d'Allah d'être injuste ou d'être dur ou de ne pas être adapté à leur époque ou à leur situation, eh bien dans ce cas-là, il n'y a rien d'étonnant que ces gens-là soient parmi les tawarites. Il dit, وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. Donc ça c'est la parole que le cheikh a mentionnée pour expliquer qu'est-ce que ça signifie cet exemple de tawarit, le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Parce que il y a des gens qui ne distinguent pas dans cette question entre les différentes catégories de personnes lorsqu'ils jugent par autre que la loi d'Allah, Eux, ils mettent tout le monde dans la même catégorie. Et ils considèrent que du moment que quelqu'un juge par autre que la charia d'Allah ou autre que la loi d'Allah, peu importe son état ou sa situation, ils le mettent tous parmi les koufars qui ont quitté l'islam. Et ça, c'est, il n'y a pas de doute, une forme d'extrémisme et d'exagération. Et c'est la voie, en réalité, parmi la voie des khawarij, qui font le takfir des musulmans pour un péché qu'ils commettent. Hein? Donc, le cheikh, il explique que les ulama ont détaillé dans cette question-là. Les ulama ont détaillé la position au sujet du jugement de celui qui juge par autre que la loi d'Allah. Comme Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et Abdullah ibn Abbas, c'est Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire c'est celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation pour que Allah lui donne la compréhension de la religion et qu'il lui enseigne l'interprétation et la compréhension du Qur'an. Donc il dit, le verset 44 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréens. Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset-là en disant: celui qui nie ou qui renie ce que Allah a révélé, il a mécru. C'est-à-dire, lui, il a commis un acte de kufr, parce qu'il a renié ce que Allah a révélé. Tandis que celui qui croit en ce qui a été révélé, il croit au verset, mais qu'il ne l'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas jugé selon ce verset-là, alors celui-là, c'est un injuste et un pécheur, hein, un pervers. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a quitté la religion de l'islam. Donc les ulama, ils distinguent en général par rapport à cette question-là entre le kufr majeur et le kufr mineur. Comme ils disent, al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asrar. Et ils distinguent aussi, ils appellent par exemple le fait, la première catégorie, c'est-à-dire celui qui renie ce que Allah a révélé, ça ils l'appellent, yani, al-kufr al-akbar, al-mukhrij min al-millah, parce que la personne elle renie le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, dans ce cas-là, la personne elle quitte la foi. Tandis que la personne qui croit au verset et au verdict de la charia, mais elle ne l'applique pas ou elle ne juge pas selon ce verdict-là, elle juge selon autre chose, tout en reconnaissant la charia et en reconnaissant qu'elle est dans le péché et qu'elle est correcte, cette personne-là, on dit de son kufr que c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir l'islam. Kufrun duna kufr. Les ulama ils disent kufrun duna kufr. C'est-à-dire c'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est un kufr qui est en dessous. Hein, qui est pas parmi le kufr qui fait sortir de l'islam. Ça fait pas partie du kufr qui fait sortir de l'islam. Et cette parole de Abdullah ibn Abbas qu'on a mentionné, elle est rapportée par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, et Sheikh al-Albani il l'a rapporté également dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Je pense que c'est le numéro 204, mais je suis pas sûr. Et il l'a authentifié. Donc c'est pour dire que ça fait partie des tafsirs authentiques du Coran par rapport à ce genre de verset là. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Fitnatut Takfir, et dans ce livre il a expliqué justement ce verset là et il a réfuté les khawarij, les takfiriyin de notre époque qui utilisent ce verset pour essayer de faire le takfir des musulmans et des dirigeants et des ulama même. Et donc dans ce livre il a clarifié la signification de ce verset, puis que les salafs ont distingué par rapport à ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, ils ont distingué entre celui qui est kafir d'un kufr qui fait sortir de l'islam et celui qui est kafir d'un kufr qui est moindre et qui ne fait pas sortir de l'islam. Et Cheikh Al-Albani a détaillé sur ce sujet-là, il a réfuté les takfiriyin là-dessus. Puis, Cheikh Bin Baz a confirmé par la suite et il a approuvé ce que Cheikh Al-Albani a dit dans ce livre-là. Et Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, lui aussi, par la suite, a confirmé ce que Cheikh Ibn Baz et ce que Cheikh Al-Albani ont écrit à ce sujet-là. Donc c'est pour dire que les trois grands ulama de notre époque étaient tous d'accord sur ce principe-là et sur cette clarification-là de Cheikh Al-Albani, et donc ils ont ce livre-là qui témoigne de ça, puis qui clarifie ça. Et dans le livre, il y a plein de références et de preuves et de clarifications des paroles des ulama et des paroles des salafs. Donc, alhamdulillah, je l'ai traduit ce livre-là. Il est disponible sur mon site et il a été publié également. La traduction a été publiée dernièrement. Donc, alhamdulillah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit « Wa hadha la shakka fi kufrihi idha jahada hukma ma anzal Allah » أو رأى أن ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء وهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة على القائل به ومثل ذلك ما يلغي الشريعة الإسلامية ويعطل أحكامها ومحاكمها ويختار بديلا عنها القوانين الوضعية بالبشرية مؤثرا لها ومستحسنا لها راغبا عن شريعة رب العالمين فلا شك في كفره الكفر المخرج D'accord? Donc le cheikh il explique, il dit il n'y a pas de doute au sujet de la mécréance de celui qui renie le jugement de ce que Allah a révélé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou bien du kufr, de la mécréance de celui qui juge par qui juge par la charia, mais qui considère que les règles et les jugements des êtres humains sont meilleurs et plus bénéfiques que le jugement d'Allah. Donc la question c'est pas seulement juste de juger selon la loi d'Allah ou de pas juger. Quelqu'un qui juge pas selon la loi d'Allah peut être quand même musulman, puis quelqu'un qui juge selon la loi d'Allah peut être un mécréant si il considère que le jugement des hommes est meilleur. Donc ça c'est très important à comprendre aussi, parce que c'est quelque chose qui a rapport avec la compréhension subtile et détaillée de chacun de ces différents cas. C'est très important. Donc par exemple, la personne elle juge selon la loi d'Allah, elle juge selon la charia, mais elle dit dans son cœur que la charia d'autre que Allah ou la loi faite par les hommes, c'est plus bénéfique et c'est meilleur que la loi d'Allah. Celui-là, il est kafir, même s'il juge par la loi d'Allah. Ou bien, il considère que le jugement d'Allah, il est égal au jugement d'autre que celui d'Allah. Et que les deux sont au même degré, que c'est pareil. Donc, pour lui, juger selon la loi d'Allah et la loi des différents pays de kufr ou les lois des différents kuffars, pour lui, c'est la même chose. Celui qui dit que c'est égal, la loi d'Allah et la loi des hommes, yani lui aussi, il a mécru d'un kufr clair qui fait que la personne a quitté l'islam après qu'on ait établi sur cette personne la preuve. Après qu'on ait établi la preuve sur cette personne. Le cheikh, il dit, et c'est l'exemple de la personne qui essaie de complètement éliminer la charia, il veut l'annuler complètement, il veut abolir la charia complètement et annuler complètement les règles et les tribunaux islamiques, et il veut choisir à sa place des lois faites par les êtres humains pour juger dans les problèmes entre les hommes. Et il considère que ça c'est meilleur et que c'est préférable à la charia d'Allah. Donc il préfère quelque chose par-dessus la charia d'Allah, la charia du Seigneur des mondes. Donc il n'y a pas de doute que celui qui agit comme ça, eh bien son kufr, c'est un kufr qui fait sortir de la religion de l'islam. Donc c'est pas des petits détails, hein, c'est pas des petites affaires à prendre à la légère, c'est des choses graves et sérieuses. Et à notre époque, beaucoup de musulmans sont tellement ignorants, surtout dans les pays musulmans, il y en a qui sont élevés à l'occidental et qui ont étudié dans des collèges ou dans des écoles européennes ou américaines, et ils sont gradés dans des familles parfois qui sont occidentalisées, qui n'ont pas étudié l'islam et la charia et le Coran et la sunna. Donc ils jugent selon parfois des critères et des jugements selon qu'est-ce qu'ils ont appris de l'Occident, et à cause de ça ils ont un complexe d'infériorité par rapport à leur religion, par rapport aux règles islamiques, par rapport à la charia, et tout ce que les koufars disent contre l'islam ou contre la charia, ça les prend à cœur. Puis ils sont gênés en fait, ou ils ont honte de leur religion à cause de ça. C'est-à-dire que ils n'ont pas de c'est pas des gens qui ont une connaissance, c'est pas des gens qui ont une fierté, c'est pas des gens qui ont une force de personnalité et une compréhension de leur religion qui leur permet de réfuter les ambiguïtés ou les doutes que les koufars ont utilisés dans leur critique contre l'islam. À cause de ça, ils commencent à dire certaines choses comme « Oui, à notre époque, on ne peut pas appliquer telle règle, ou on ne peut pas appliquer telle chose, ça c'était avant, maintenant on est évolué, on est ci, on est ça. » Donc ça, c'est pas permis pour un croyant de dire ça. Parce que la loi d'Allah, elle n'est pas limitée par un temps, ou par une époque, ou par un endroit sur la terre. La religion d'Allah, c'est quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Donc, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir, il connaît le passé. Et il sait qu'est-ce qui est mieux pour les êtres humains à toutes les époques. Et il a établi dans sa révélation et dans sa charia des principes et des règles de base. Et il a envoyé ce livre à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce livre à ses sahaba, et il leur a expliqué comment l'appliquer, et il leur a enseigné également les règles, comment extraire les verdicts de ces différents textes, de fait que si il y a une nouvelle situation qui se produit, ou quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui apparaît par la suite dans le temps, avec les règles et les principes de la charia, on est capable de savoir comment appliquer ces principes du Coran et de la Sunna sur ces nouvelles choses, même si elles n'existaient pas avant. Et ça, yani, c'est quelque chose que les koufars aujourd'hui, ils font aussi. C'est-à-dire dans le sens que, si tu vois par exemple, la loi des koufars, elle, c'est pas quelque chose qui est fixe ou qui est stable. Elle change selon l'époque, selon les goûts des gens. Mais toutefois, il y a des bases. Pour eux, il y a certaines règles qu'ils considèrent comme étant des bases dans leur loi. Et si, par exemple, quelque chose de nouveau arrive, puis qu'il n'y a pas de jurisprudence pour ces nouvelles affaires qui apparaissent, ils vont inventer des nouvelles lois pour les clarifier ou les expliquer. Et puis, ils vont pas non plus interpréter, ou bien des fois ils vont interpréter une loi qui existe déjà pour que ça englobe telle ou telle affaire. Mais est-ce qu'ils vont laisser n'importe qui interpréter les lois? Non. Ils retournent à des juristes, ils retournent à des juges, à des gens qui sont connaissants et qui sont spécialistes de ces domaines-là pour juger dans les lois des affaires des hommes. Hein? Donc si c'est le cas pour la loi faite par un être humain, qu'on est capable de l'adapter ou de l'interpréter selon des différentes situations, selon des règles et des principes, et bien encore plus pour la loi qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est-à-dire qu'on peut la comprendre, on peut l'interpréter, on peut l'appliquer dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, mais à condition d'avoir étudier cette charia, de l'avoir compris, puis de connaître les règles et les principes à respecter pour être capable de l'interpréter correctement et non pas n'importe quelle façon. Donc j'ai rencontré parfois des koufars. Par exemple, je connais un individu que je connaissais même avant l'islam. Là, il est avocat. Et on discutait, puis je lui expliquais, il me posait des questions sur l'islam, sur la charia, sur des choses comme ça. Donc moi je lui disais, ça c'est telle chose dans l'islam. Il me demandait le verdict par rapport au hijab ou par rapport à la femme et des choses comme ça. Donc moi je lui donnais les réponses, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, dans la Sunna, qu'est-ce que les ulama ont dit sur ces choses-là. Et lui, il me disait, oui mais j'ai rencontré des musulmans et eux, ils ont d'autres interprétations de ces choses-là et eux, ils interprètent ça de différentes façons. Je lui ai expliqué que c'est vrai que parfois il peut y avoir différentes compréhensions entre les ulama. S'il y a des divergences d'opinion sur certains points, c'est possible. Mais je lui mets les exemples que tu mentionnes de qu'est-ce que ces gens-là ont donné comme interprétation. Ça, c'est pas une interprétation qui vient des savants de l'islam. Ça, c'est des interprétations qui viennent des gens qui suivent leur passion seulement. Et eux, du moment que l'Occident prône quelque chose ou encourage quelque chose, eh bien, eux, automatiquement, ils vont juste tout faire pour tordre les textes, pour faire en sorte que les textes disent ce que les koufars veulent et que ce soit en accord avec les valeurs de la société occidentale. Puis du moment que ça fait ça, ça y est, c'est pour eux c'est ça l'interprétation. Puis ils vont pas essayer de voir est-ce que c'est une interprétation qui est en accord et en harmonie avec les principes et les fondements de la charia ou non. Et c'est pour ça que les ulama des salafs ont écrit des livres depuis le début. Depuis les premiers siècles de l'islam, ils ont écrit des livres pour justement protéger les fondements de l'islam de ce genre de déformation. Que ce soit des déformations des textes dans la croyance, dans la aqida, comme le ta'wil al-batil, que ce soit dans les noms et les attributs d'Allah, dans le qadar ou dans d'autres aspects de la charia. Ou bien que ce soit, par exemple, des déformations et des falsifications des règles et des principes même de la charia. Donc, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Ar-Risala. Et c'est un des premiers livres qui a été écrit sur la science qu'on appelle Usul al-Fiqh. Et il a établi comme, en se basant sur qu'est-ce qu'il a appris du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf et des principes de la religion qu'il a appris des ulama de son époque, les bases par lesquelles les sahaba extrayaient des verdicts des textes et faisaient des fatawa et faisaient l'ijtihad pour éviter que par la suite des gens viennent et essaient de déformer la charia complètement et falsifier la religion, comme les juifs et les chrétiens l'ont fait précédemment avec leur religion, tu vois. Donc cette religion, alhamdoulilah, elle est préservée, elle est protégée, pas seulement dans les textes, mais même dans les fondements, et même dans la compréhension de ces textes-là. Donc c'est pour ça que quelqu'un ne peut pas interpréter n'importe quelle façon aujourd'hui la religion. Et aujourd'hui, en particulier dans les pays de kufr, comme en Europe ou en Amérique ou dans d'autres pays non musulmans, les koufars aiment mettre de l'avant des groupes ou des catégories de musulmans qui font partie de sectes déviées ou de groupes hérétiques qui essaient de se présenter comme la référence parmi les musulmans. Et la raison pour ça, c'est quoi? C'est que, étant donné que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la raison pour ça, c'est que ils ont trouvé chez ces groupes-là une explication, une interprétation qui est en accord avec leur passion et leur désir. Et donc, ils cherchent à cherche à les mettre de l'avant pour présenter ces gens-là comme étant la référence pour les musulmans. Comme l'exemple des Ismaélites, la secte qu'on appelle l'Ismaïliya, il y en a beaucoup au Canada, la secte des Ahmadiyya, hein, qui sont des koufals. Ces deux groupes-là, c'est des groupes hérétiques qui sont considérés par les savants de l'islam comme étant en dehors même de la religion. Hein. Mais pourtant, eux, hein, ils les prennent comme des références, Allah musta'an. Donc ça, c'est juste pour dire. Donc ça, c'est pour les gens qui, dans les pays musulmans, arrivent par la suite avec des idéologies qui viennent des koufars et, yani, non, c'est comme s'ils commencent à adopter des idéologies qui viennent des koufars, comme par exemple la laïcité. Hein, la laïcité, puis la démocratie, hein, ils se réfèrent à des principes comme les idées des Lumières, puis les droits de l'homme. Tout ça, c'est des choses qui sont en opposition avec l'islam, d'accord. La laïcité qui veut séparer entre la loi divine qui est révélée et la loi des hommes, fabriquée par les hommes, puis qui essaie de dire en fait que la loi de la religion qui est établie par Dieu dans la religion, elle ne doit pas juger dans les affaires des hommes. Elle doit uniquement juger dans les affaires spirituelles ou qui ont rapport avec la croyance ou la foi, dans qu'est-ce qui est personnel à l'individu, mais pas dans qu'est-ce qui dépasse la sphère publique ou la sphère politique ou la sphère économique ou la sphère sociale. Naam, la dunya. Et ça, en fait, c'est une façon, en fait, d'écarter complètement la religion, puis de faire en sorte que les hommes puissent vivre selon qu'est-ce que le shaitan a voulu, et de mettre de côté qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, le shaitan n'a pas trouvé de meilleure ruse, hein. Le shaitan n'a pas trouvé de meilleure ruse que ce genre de système pour écarter les hommes du chemin d'Allah et de la voie d'Allah. Et il ramène beaucoup de shubuhat pour justifier ce genre de système, mais bien entendu, celui qui connaît la parole d'Allah et qui étudie la révélation d'Allah, il voit tout de suite à travers ces arguments-là et ces shubuhat, et il arrive facilement à les contrer, à les réfuter, s'il a la foi et la connaissance. Toutefois, si c'est quelqu'un qui est faible dans sa connaissance et faible dans sa foi et qui est facilement influencé par qu'est-ce que les koufars disent, eh bien facilement il tombe dans ce genre d'idéologie, puis il rentre et il commence à se dire par la suite qu'il est laïque ou qu'il est ci et ça, puis il ne réalise pas qu'il y a une contradiction entre l'islam et ce genre de système. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, si on veut, sur la question. On continue maintenant à expliquer la parole de Cheikh Zayed, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là. Il dit ensuite: وأما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك وإنما يرى أنه ارتكب خطأ فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله. Donc le cheikh ici, il explique l'autre catégorie par rapport à ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, c'est la catégorie de ceux qui jugent, comme il dit, lorsqu'un juge ou quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, tout en ayant la foi en ce que Allah a révélé et en ce qui est venu de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne rend pas cela halal, c'est-à-dire il juge par autre que la loi d'Allah, mais il ne déclare pas que ce qu'il fait c'est halal de le faire, il considère que c'est haram et qu'il a commis une erreur ou qu'il a fait un péché en faisant ça, alors dans ce cas-là on va considérer cette personne comme étant quelqu'un qui a commis un grand péché parmi les grands péchés, ou bien qui a fait un kufr qui est un kufr d'action, d'œuvre, dans les œuvres ou dans les actions, mais non pas un kufr qui fait sortir de la religion ou qui fait sortir de l'islam. Et donc c'est là la distinction. Et c'est ça que les takfiriens, eux, ne comprennent pas ou n'acceptent pas. Et parmi les gens qui ont exposé cette question ou parlé de ce sujet, mais qui n'ont pas détaillé par rapport à la différence de catégorie entre ceux qui ont commis un kufr majeur et un kufr mineur, il y a des écrivains comme Sayyid Qutb, qui lui, dans son tafsir al-Zilal al-Qur'an, comme il l'a appelé, c'est-à-dire l'ombre du Coran, il dit dans ce livre-là que yani, tous ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, c'est des kuffars, sans exception. Yani, il ne distingue pas entre les différentes catégories, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui le fait, yani, sans que ce soit un kuffar qui fasse sortir de l'islam parce qu'il juge selon sa passion, ou qu'il le fait pour une passion ou un désir ou quelque chose de ce genre, tout en reconnaissant que la loi d'Allah, c'est obligatoire de juger selon ce qu'Allah a révélé, et que c'est quelque chose qui est haram de juger par autre que la loi d'Allah, mais il le fait en suivant son désir. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que il est kafir. Puis aussi, il y a une question par rapport à ceux qui font le takfir par rapport à cette question-là. Il y en a qui font le takfir par rapport à cette question-là, comme les takfiriens et les khawarij à notre époque. Puis, qu'est-ce qui est bizarre avec eux, c'est que c'est des gens qui appellent à des... Bon, la plupart, c'est des gens qui font partie de groupes islamiques politiques. Et ces groupes islamiques politiques appellent, selon ce qu'ils prétendent, à l'application de la charia. D'accord ? Donc, ils disent, nous, on appelle à l'application de la charia, comme les frères musulmans, les ikhwan al-muslimoun. Donc, ils disent, nous, on veut l'application de la charia. Et ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah parmi les dirigeants des pays arabes aujourd'hui sont, pour, selon eux, des koufars, parce qu'ils ne jugent pas selon la loi qu'Allah a révélée. Alors, qu'est-ce qui est étrange, c'est que la charia est venue pour juger dans toutes les affaires de la dunya, pas seulement dans certaines affaires de la dunya, et même dans les affaires de la religion aussi. Donc, le croyant, il juge par la charia en premier dans qu'est-ce qui est le plus important, c'est-à-dire la aqida. Hein? Et comment tu peux prétendre que tu veux juger selon la charia, alors que lorsque on regarde dans ton groupe, et dans le même celui qui a fondé ton groupe, on voit que lui-même, il n'a pas jugé selon la charia dans les questions de croyance. Hein? Et qu'il accepte, wa alaykum salam, il accepte le soufi, il accepte le shi'i, il accepte le khariji, il accepte le mu'tazili, hein? Il accepte toutes les différentes tendances et différentes croyances d'égarement, de bid'ah. Donc, il accepte le ash'ari et le maturidi, hein, et ainsi de suite. Quand c'est les questions de fiqh, hein, donc ça c'est dans l'aqidah. Déjà, il accepte différentes sectes. Dans l'aqidah, il ne juge pas selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs dans ces croyances-là. Il accepte tout le monde. Donc là, il y a un problème. Et deuxièmement, l'exemple dans le fiqh. Il juge selon les madahib. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Alhamdulillah. يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc il va juger selon le fiqh des madahib, al-madahib al-arba'a, comme on dit. Mais des fois, entre ces madahib, il y a des divergences, hein, il y a des divergences, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, dans les questions de divergence ou quand il y avait des divergences, de revenir à qu'est-ce qui est clarifié dans le Coran et dans la Sunna, et de juger selon la révélation. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font parfois, c'est de dire aux gens, vous avez le choix. Prenez n'importe quel de ces madhab que vous voulez, et puis suivez-en un. Mais des fois, ils vont dire suivez-en un et suivez-le aveuglément dans tout ce qui est dedans. Ou bien des fois, ils vont dire non. Selon la situation, prends dans un de ces madhabs-là, selon qu'est-ce qui est en accord avec ton désir. Yani, ça, c'est une attitude qui se retrouve chez plusieurs d'entre les gens de Bid'ah. Mais eux, ces modernistes-là, ils ont, plusieurs d'entre eux ont cette attitude. Comme par exemple, ils ne suivent pas une règle. La règle, c'est leur passion. Mais quand ils vont trouver quelque chose, par exemple, qu'ils vont faire leur affaire dans un madhab, ils vont dire, ah, mais dans cette question-là, je pense que je vais prendre la position de madhab Hanafi, parce que c'est plus facile. Et quand il y a un autre problème, ah ben dans celle-là on va prendre le madhab Hanbali parce que ça c'est mieux, c'est plus facile pour nous. Sans même regarder le dalil, c'est-à-dire sans même essayer de voir est-ce que la preuve supporte cette position-là et est-ce que cette position c'est elle qui est plus proche de la vérité ou non. Donc celui qui cherche dans les livres de fiqh ou dans les madhab de cette façon et qui veut uniquement chercher la position qui satisfait son désir et non pas la position qui est plus proche de la vérité, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne juge pas selon la charia d'Allah, mais qu'il juge selon sa passion en fait. Et ça c'est très dangereux en fait. C'est très dangereux et c'est grave. Hein? Un autre exemple aussi c'est... Bon, on a donné cet exemple, comme on a dit, par rapport à le fait de juger par la charia. Mais, même concrètement, quand on a regardé, par exemple, ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les Rouen et les autres groupes qui appellent aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent appliquer le khilafa, ils veulent ramener le khilafa, hein, et des choses comme ça, eh bien, subhanallah, Tu regardes par exemple, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent essayer d'arriver au pouvoir. Pour y arriver, ils contredisent toutes les règles de la charia. Parce que leur principe, c'est quoi? C'est, yani, al-raya tubarrir al-wasila. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. Hein? Donc, du moment que ton objectif il est bon, peu importe le moyen que tu veux prendre pour y arriver, c'est correct. Donc, il y en a qui ont utilisé le terrorisme, les attentats, il y en a qui ont utilisé les élections démocratiques, le système des kuffars, il y en a d'autres qui ont essayé de faire les coups d'État. Hein? Ils essayent tout pour y arriver sans retourner aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des ulama et les explications des salafs dans ces questions-là. Et ça, ils jettent derrière leur dos. Et en plus, quand ils prennent le pouvoir par la suite, par les voies, par exemple, comme c'est arrivé en Égypte dernièrement et dans d'autres pays, par les voies de la démocratie, soi-disant par le vote, ou bien par la méthode des Khawarij, hein, en faisant des coups d'État ou des renversements ou des manifestations, eh bien, qu'est-ce qui arrive comme résultat? Ils appliquent même pas la charia quand ils prennent le pouvoir. Hein? Et ils changent même pas le mal qui est dans la société. Ils le laissent tel quel, hein? comme c'était le cas au Soudan quand ils ont pris le pouvoir, comme c'était le cas en Égypte, même qu'en Égypte c'était pire encore parce que quand il y avait les élections, Al-Mursi et les autres, même ceux qui se prétendent salafis, comme ceux qui faisaient partie du parti Al-Nour, que les gens appelaient ou prétendaient que c'était des salafis, alors qu'on sait très bien que ce sont des Hezbiyin, le groupe de Mohamed Hassan et de l'autre là, Al-Houaini, et toute la clique là qui fait partie de ce groupe là, ils disent que ce sont des salafis, alors qu'eux ils sont rentrés dans les élections, dans leur bulletin de programme là, leur programme électoral. Ils disent, on ne va pas appliquer la charia, inquiétez-vous pas. Il y en a dit aux laïcs, inquiétez-vous pas, on ne va pas appliquer la charia. La même chose avec Mursi. Il a dit, la charia, comme si l'islam pour nous, c'est la volonté du peuple qui compte. C'est la volonté du peuple. Et elle est où la volonté d'Allah? Il y en a pour eux. Elle est où la volonté du fait que Allah a ordonné aux hommes de se soumettre à sa loi et d'obéir à ses ordres et d'appliquer sa charia et de juger selon sa révélation? Donc tout ça c'est des contradictions de la part de ces gens-là qui ne respectent en fait rien de ce qui a rapport avec le fait de juger par la loi d'Allah, ni dans l'aqidah, ni dans le fiqh, ni dans les hudoud, ni dans les autres aspects non plus, et qui par la suite font le takfir des musulmans, qui ne jugent pas par la loi d'Allah, alors qu'eux-mêmes ne jugent pas par la loi d'Allah. Alors c'est contradictoire. Pourquoi vous faites le takfir des dirigeants pour prendre le pouvoir? Après, quand vous prenez le pouvoir, vous prenez pour alliés les laïcs, les communistes, les socialistes, tous les kuffars, ou bien tous les groupes qui ont des fondements de kuffre, vous les prenez pour alliés, alors que vous prétendiez vouloir justement combattre ceux qui étaient au pouvoir à cause du fait qu'ils avaient ces idéologies-là. Tout ça, c'est des contradictions. Donc, pour résumer, comment on va expliquer qu'est-ce que le cheikh a dit pour que ce soit plus clair? Les ulama comme cheikh Ibn Baz, cheikh Ibn Uthaymeen, cheikh Al-Fawzan et tous les ulama en fait d'Ahl Sunna wal Jama'a avant notre époque et à notre époque actuelle, ils ont expliqué que donc il y a les deux catégories, le kufr. Quand tu juges par autre que la loi d'Allah, il y a le kufr qui fait sortir de l'islam, puis il y a le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam, qui est un kufr d'un kufr, un kufr qui est moindre. Comment on peut les catégoriser ou les distinguer? C'est comme on a dit au début. Celui qui pense que la loi d'autre que la loi d'Allah est meilleure que la charia d'Allah, celui-là, c'est un kufr qui fait sortir de l'islam. C'est un kufr akbar. C'est-à-dire, lui, il croit qu'une loi autre que la loi d'Allah est meilleure. Il dit, il y a une loi qui est, par exemple, la loi de X pays ou de X, de X ou Y, il dit, cette loi-là est meilleure que la loi d'Allah. Celui-là, il est kafir mukhrij min al-millah, il est en dehors de l'islam. Parce qu'il dit qu'il y a une loi qui est meilleure que la loi d'Allah. Ça, c'est le premier. Le deuxième, celui qui dit non, c'est pas meilleur, mais c'est égal. C'est pas meilleur, mais c'est égal. Et l'imam dit, lui aussi, il est kafir mukhrij min al-millah. Il est en dehors de l'islam, lui aussi, parce qu'il met quelque chose à égalité avec la loi d'Allah. Et il n'y a rien qui est égal avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est inférieur. Tout ce qui vient d'autre qu'Allah est inférieur. Ensuite, il y a une autre catégorie. Eux, ils disent, non, c'est pas la loi d'autre que la loi d'Allah, elle n'est pas meilleure. La loi des hommes, par exemple, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas égale. Mais c'est halal de juger par les lois des hommes et de ne pas juger par la loi d'Allah. C'est, pour lui, c'est permis. Et ça implique qu'il rend halal ce qui est haram. Et qu'il rend haram ce qui est halal. Et ça veut dire que les ulama ont dit que ça, c'est kufr. Parce que de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-istihlal, et ça, c'est kufr. Le problème, il y a la fitra. Pourquoi les gens ils contradisent eux-mêmes? ça c'est une bonne question, Akhi. Je ne sais pas. Des fois, les gens suivent al-hawa, comme on dit, la passion. Et la passion, ça aveugle. Comme on dit des fois, l'amour est aveugle. Mais l'amour de l'égarement aussi, ça rend aveugle. Tu vois? Quand la personne, elle aime l'égarement, elle aime quelque chose de faux, elle ferme ses yeux à la vérité. Et elle refuse de la suivre, même si elle voit la vérité avec ses deux yeux devant elle, malheureusement. Donc, ça, c'est les trois cas que les ulama ont mentionnés. Celui qui dit que la loi des hommes est meilleure, celui qui dit que la loi des hommes est égale à la loi d'Allah, et celui qui dit que c'est halal de juger par autre que la loi d'Allah. Dans ces trois cas-là, les ulama ont dit que la personne qui dit ça, il est en dehors de l'islam. Ensuite, il y a l'autre catégorie, qui est celui qui juge par autre que la loi d'Allah, mais qui dit que c'est haram de juger par autre que la loi d'Allah, et qu'il a commis un péché, il est dans l'erreur, mais il ne rend pas ça, il rend pas halal le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Il dit que c'est ça qui est obligatoire, mais il juge par autre que la loi d'Allah à cause de sa passion, ou bien parce qu'il hein, on lui a donné de l'argent ou des choses comme ça, donc il le fait par, en suivant sa, ses désirs. Eh bien, celui-là, il n'est pas en dehors de l'islam, son kufr est un kufr asrar, hein, ça fait partie des grands péchés. Et c'est cette catégorie-là que les khawarij, les takfiriens à notre époque, eux considèrent que ce sont des kuffars qui ont quitté l'islam. Ils ne distinguent pas entre le kufr akbar et le kufr asrar. Et un autre point aussi qui est important à mentionner juste avant de passer à la suite, c'est que le jugement par autre que la loi d'Allah, c'est pas quelque chose qui est seulement le jugement par rapport au président d'un pays ou le juge dans un tribunal ou un savant qui fait une fatwa. Hein. Le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ça comprend également toutes les décisions qu'on peut prendre dans notre vie personnelle ou dans la vie de tous les jours, des décisions qui sont en contradiction avec la charia. Hein? Donc si toi tu décides que dans ta maison tu veux que telle chose soit faite ou que telle chose fonctionne, que tu veux imposer ça à ta femme et à tes enfants ou à tes proches, et que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam mais que toi tu veux quand même le faire, ça c'est quand même jugé par autre que la loi d'Allah. Si quelqu'un il a un commerce, un magasin, puis il dit moi je veux vendre des choses haram dans mon commerce, est-ce que ça c'est pas jugé par autre que la loi d'Allah? Oui, d'une certaine façon c'est jugé par autre que la loi d'Allah. Est-ce qu'on va faire le takfir de toute personne qui vend quelque chose qui est haram dans son magasin? Hein? Si tu commences à faire ça, tu vas rendre takfir le monde entier. Parce qu'il y en a dans ce cas-là, personne peut être exempté de ce verdict-là. C'est pour ça que les khawarij et les takfiriens, leurs paroles, des fois, eux, ils ne comprennent pas même eux-mêmes qu'est-ce que leurs paroles impliquent. En réalité, les ulama ont dit, les khawarij, ils font le takfir de tout le monde, en fait, de toute la umma. Ils commencent par les dirigeants, après ils font le takfir des ulama, après ils font le takfir de la population, et après ils tuent tout le monde. Et ils commencent à faire couler le sang et à faire des massacres, et c'est ça ce qu'ils ont fait. Dans plein de pays, regardez qu'est-ce qui est arrivé en Algérie, regardez ce qui est arrivé ailleurs aussi. Et c'est ça qui se passe lorsque des gens ne suivent pas l'exemple des salafs et suivent la voie des gens de Bid'a et des Khawarij. Et les ulama, ils ont dit « Ahlul Bid'a kulluhum Khawarij ». Les salafs, ils ont dit « Tous les gens de Bid'a sont des Khawarij ». Ils sont sortis contre la sunna et ils se sont tous mis d'accord sur l'épée, hein, de se révolter contre le dirigeant. Bon, on va passer maintenant à la suite. Qu'est-ce que le cheikh a dit ensuite? Il dit فإذن فالآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومثلها الآيتان اللتان بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف وإلى ما أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء. Donc le cheikh il dit, il y a donc le verset 44 dans le Coran dans lequel Allah dit, et celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé ou celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Mais il y a aussi deux autres versets semblables, le verset 45 et le verset 47, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les injustes. Et dans l'autre verset, et celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors voilà les pécheurs ou les pervers. Donc le cheikh il dit, il faut donc comprendre ce que ces versets ont prouvé comme règle en détail. Donc dans certains cas, il y a des ulama qui ont dit, ces versets-là parlent de différents degrés, hein, de gens qui ont jugé par autre que la loi d'Allah. Le premier, c'est celui qui juge par autre que la loi d'Allah et qui le rend halal, ou qui pensent que la loi d'autre que la loi d'Allah est meilleure ou égale, ceux-là sont des kafirun. Mais s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah en rendant cela halal ou en croyant que c'est meilleur ou égal, dans ce cas-là, ils sont des injustes et des pervers, mais ils ne sont pas des kafirun. Hein? Ils sont pas des, leur kufr n'est pas un kufr akbar. Et on peut connaître ces détails-là en retournant au tafsir. Le tafsir de l'imam Ibn Jarir et le tafsir de l'imam Ibn Kathir et d'autres savants aussi, parmi les savants de tafsir. Et aussi retourner aux paroles des ulama au sujet de la, du phénomène de qu'est-ce qu'on appelle al-irja. Et al-irja, c'est la bid'a des murji'a, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la foi n'est pas composée de nos actions ou que les œuvres ne font pas partie de la foi. Et donc, souvent tu vas trouver ça de la part de certains parmi les Khawarij qui considèrent que les dirigeants sont des kuffars. Tous ceux qui ne font pas le takfir des dirigeants, ils vont les considérer comme étant des murji'a. Ils vont dire, ah, ça c'est des murji'a. Et à notre époque, c'est ça ce qu'ils font aujourd'hui. Même par exemple, ils l'ont dit à propos de Cheikh Al-Albani, à propos de Cheikh Ibn Baz, à propos de Cheikh Ibn Uthaymeen, à propos de Cheikh Rabi' Al-Madkhali, c'est ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui encore, de les accuser d'être des murji'a. Hein? Alors que ce sont tous des ulama, Ahl-Sunnah, qui réfutent les murji'a, qui expliquent que la foi, comme ils disent, Al-Iman, Qawlun wa Amal, Yazid, yani Qawlun wa Amal, wa Atiqad, c'est-à-dire la foi, c'est une croyance, c'est une parole et c'est une action. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Et donc ça c'est la aqidah d'Ahl-Sunnah. Celui qui dit ça, il n'est pas un murji. Hein? Et celui qui ne fait pas le takfir de celui qui juge pas autre que la loi d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il est murji non plus. Si il ne fait pas son takfir par rapport au fait que justement la personne elle n'a pas rendu halal et n'a pas considéré meilleur ou égal le jugement d'autre que la loi d'Allah. Et aussi le verdict du takfir, des fois les ulama ils vont faire un takfir qui est mutlaq, c'est-à-dire un takfir qui est général, dans le sens qu'ils vont établir une règle. Celui qui dit telle chose, il est kafir. Celui qui fait telle chose, il est kafir. Mais sans spécifier ou désigner un individu en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le takfir al-mutlaq. Par exemple, toute personne parmi les musulmans qui pense, ou qui dit, ou qui croit qu'il y a une loi faite par les hommes qui est meilleure que la loi d'Allah, il est kafir. Hein? Donc ça c'est un takfir mutlaq. C'est un takfir général qui n'est pas appliqué à un individu en particulier. Il est laissé absolu. C'est un jugement qui est laissé dans son absolu. Le takfir, il y a un autre verdict que les ulama appellent takfir al-mu'ayyan. Takfir al-mu'ayyan, c'est-à-dire, tu fais le takfir d'un individu précis et spécifique. Et tu dis, Fulan, X ou Y, tel individu, c'est, il est kafir, lui. Ça, c'est takfir al-mu'ayyan. C'est pas la même chose que takfir al-mutlaq. Et donc, parfois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent un livre des ulama où les savants parlent d'un takfir qui est absolu. Takfir mutlaq. Celui qui dit ça, il est kafir. Donc eux, ils prennent le takfir que le alim a dit qui est mutlaq et ils l'appliquent d'eux-mêmes sur un individu spécifique et particulier. Et il dit, tel cheikh, il a fait le takfir de celui-là. Tu dis, ah, il n'a pas fait le takfir de celui-là. Il a fait le takfir de façon absolue, générale. Et lui, il dit, ouais, mais il a dit, celui qui fait ça, il est kafir. Oui, mais est-ce que tu es certain, 100%? Est-ce que tu as vu les conditions? Est-ce que tu as vu les empêchements? Est-ce que tu es certain que ce verdict s'applique sur l'individu? Est-ce que tu as établi la preuve contre lui? Est-ce que tu sais s'il n'est pas ignorant? Est-ce que tu sais s'il n'a pas mal compris? Est-ce que tu sais s'il n'a pas fait une erreur? Est-ce que tu sais... Non! Donc, comment tu peux faire le hukm? Il y a des règles, il y a des choses à vérifier avant de faire le takfir. Et c'est pas n'importe qui a le droit de faire le takfir. Le takfir, c'est un verdict qui vient, et c'est un verdict qui est religieux, qui vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne peut être applicable que par des savants de l'islam, qui connaissent la charia en profondeur. Donc, ce genre de sujet, il faut faire très attention à ça, et c'est le sujet par excellence des Khawarij. Et même à l'époque des Sahaba, à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ils sont sortis contre les Sahaba avec cette Shubha. C'était la même Shubha, hein, quand ils ont dit à Ali, la hukma illa lillah. Il n'y a pas de verdict ou de jugement excepté le jugement d'Allah. Et ils sont sortis contre lui. Et ils ont commencé à tuer les Sahaba et à combattre les Sahaba. Et ils pensaient qu'ils étaient en train de faire le djihad, hein, fils abilillah, contre les Sahaba. Pas contre les mouchriquins et les kuffars, non, contre les Sahaba. Et ils pensent qu'en tuant les Sahaba, yani, ils vont aller au paradis. Ajib, comment quelqu'un peut être égaré à ce point, hein? Donc, à notre époque, c'est la même chose. Ils font le takfir des ulama, ils disent que pour eux, les plus grands tawarites à notre époque, c'est les grands ulama. Hein? Donc, si les ulama, c'est des tawarites, puis que les ulama, c'est les plus grands égarés, c'est qui, dans ce cas-là, c'est qui les hommes de science? C'est qui les ulama? C'est qui notre référence? Vers qui on va se tourner? Hein? Vers des ignorants? Hein, qui ont même pas appris à lire et à écrire encore, et qu'ils commencent à apprendre quelques versets dans le Coran, ils commencent à faire la salat depuis deux semaines, et puis ils veulent commencer déjà à faire le takfir des imams de l'islam de notre époque. C'est de l'égarement et c'est de l'ignorance. Et souvent ceux-là, c'est des gens qui ont eu une éducation eux aussi occidentale parfois, et qu'ils ont vécu dans la perversité, dans le péché et dans l'égarement. Tout d'un coup ils retournent à la religion avec plein de verve et de ferveur et de zèle, mais un zèle qui est excessif et extrême et exagéré, hein, comme parfois certains nouveaux convertis aussi qui devient musulman avec beaucoup de zèle, mais peu de ilm, un peu de science, et qui veulent appliquer tout, mais à l'extrême. Hein, ça, on en a vu beaucoup comme ça, ici au Québec et ailleurs. Donc, ils ne retournent pas aux ulama, et yani, c'est ça ce qui arrive, et s'égare par la suite. Nasallallahu al-afiya. Donc, le cheikh, il dit... وقد ختم المؤلف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الإسلام بحق. Donc il dit le cheikh que c'est par ceci que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a terminé donc les trois fondements qui sont réellement les fondements de l'islam, en disant وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. Donc c'est par ce hadith là que Mohammed ibn Abdul Wahhab a conclu al-usul al-thalatha. C'est un hadith qui dit la tête de cette affaire, c'est l'islam, c'est-à-dire yani le tawhid, et on va l'expliquer. Et son pilier, c'est la salat. Et la plus haute partie de sa bosse, c'est le djihad fi sabilillah. Et Allah, c'est mieux. Donc on va maintenant lire l'explication très résumée de ce hadith, Inch'Allah. Et après on va s'arrêter. Cheikh Zayd al-Madkhali, il explique. Il dit « قوله رأس الأمر الإسلام » لأنه أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل بالطاعة وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة وفي حديث جبريل عليه السلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا أول مرتبة من المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأركانه الإسلام وأركانه فلا غرابة أن يكون رأسا في الأمر إذ بالإسلام يعصم الدم ويعصم المال ويعصم العرض ويكون لصاحبه الحقوق الإسلامية والحقوق الإيمانية. Donc le cheikh il dit Ra'sul Amr l'islam. Il dit pourquoi? Parce que à l'islam, la tête de l'affaire c'est l'islam, parce que c'est la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. C'est-à-dire de se soumettre, hein, et de se soumettre et d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme plus tôt dans le livre, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab il a expliqué la définition de l'islam, il a dit الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Ça c'est la définition de l'islam, c'est-à-dire que tu te soumets à Allah en établissant son tawhid et que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant physiquement à ses ordres et en les mettant en application et en te désavouant du shirk et de ses fidèles, des gens qui pratiquent le shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la première chose à laquelle il a appelé. Et donc, de te soumettre à Allah et de te soumettre à son messager en le suivant, c'est-à-dire en suivant son exemple. Et dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'islam la religion. Hein, et le premier degré, parmi les degrés de la religion, c'est le degré de l'islam, ainsi que les piliers de l'islam. Et donc ce n'est pas étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à propos de cette affaire, que ce soit la tête de cette affaire, c'est-à-dire la tête de cette religion. Et que, étant donné que c'est par l'islam que ton sang est préservé, que tes biens sont préservés, que ton honneur est préservé, eh bien, c'est par l'islam, donc que tous tes droits sont tes droits islamiques. Et tes droits sont préservés par rapport au nom de la foi et au nom de l'islam. Donc c'est pour ça que l'islam c'est à la tête, et c'est la plus importante des choses. Ensuite, wa umuduhu as-salah. Cheikh Zayd rahimahullah il dit wa umuduhu as-salah wa dhalika li ahammiyatiha iz innaha awwal fariidatin furidat بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الإسلام والإيمان حيث سبق معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنين قبل أن يعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة أقرت الصلاة أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر بعد ذلك تتابعت الفرائض والأحكام. Donc le cheikh il dit que son pilier c'est la salat, c'est-à-dire à cause de son importance. Le pilier de la religion c'est la salat. Parce que c'est la première obligation qui a été ordonnée. Hein? C'est la première obligation qui a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait appelé à la réalité de l'islam et de la foi, comme on l'a expliqué précédemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, il a appelé au tawhid jusqu'à ce qu'il soit élevé au dernier des cieux. Et c'est là que les 5 prières ont été ordonnées. Il a prié pendant 3 ans à Mecca, et quand il a prié pendant les 3 ans à Mecca, il faisait rak'atayn pour chaque prière. Chaque prière, le Fajr, le Dhor, le Asr, le Maghrib et le Isha, c'était que rak'atayn seulement. 2 rak'at. Toutes les prières, c'était 2 rak'at. Puis, après, quand il est parti à Médine, toutes les salawat, c'est-à-dire, quand il est arrivé à Médine, il dit le cheikh que les prières en voyage sont restées de 2, hein, sauf le Maghreb qui est 3. Puis Salatul Hadar, la prière du résident, celui qui est chez lui, qui n'est pas en voyage, eh bien elle a changé, c'est-à-dire au lieu de faire 2 rak'at pour le Dhuhr et l'Asr et l'Isha, eh bien c'était devenu 4 rak'at, hein, pour celui qui était résident. Ensuite, les autres règles de l'islam se sont suivies les unes après les autres. Et la dernière partie du hadith, wa zirwatu sanamihi al-jihad, c'est-à-dire le plus haut point de l'islam, c'est le jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Donc le cheikh Zayd il dit, wa zirwatu sanamihi al-islam al-jihad fi sabilillah bima tahmilu kalimat al-jihad min ma'na jihad al-nafs wa jihad al-shaytan wal-hawa وجهاد الكفار الصرحاء وجهاد المنافقين بالكلمة والبيان وجهاد أهل البدع بإقامة الحجة عليهم وجهاد أهل الكبائر والفواحش حتى يرتدعوا عنها. Donc le cheikh il dit, le plus haut degré de l'islam c'est le jihad dans le sentier d'Allah, avec tout ce que le mot jihad peut comporter comme signification. Le jihad contre toi-même, jihad nafs. Tu fais le jihad contre toi-même, ça veut dire que tu te forces à connaître ta religion, à l'appliquer, à appeler les gens à la suivre et à endurer les difficultés dans ce chemin-là. Et les 4 points qu'on a mentionnés au début de Kitab al-Tawhid, yani al-ilm, والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Ces 4 points là c'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. C'est ça ce qui a été expliqué par l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Il a dit que c'est ça jihad al-nafs. Al-ilm wal-amal bihi wad-da'wa ilayhi was-sabr 'ala al-adha fi. Ça c'est les 4 points au début, yani du livre de al-usul al-thalatha. Ensuite, le djihad du shaitan et le djihad de ses passions. Donc, c'est-à-dire tu vas lutter contre le shaitan lorsque tu as des tentations ou des shubuhat, tu vas lutter contre le shaitan pour te libérer de ça et pour rester dans l'obéissance d'Allah. Le djihad contre les kuffars clairs. Les koufars clairs, qu'est-ce qu'on veut dire par les koufars clairs? C'est-à-dire ceux qui se disent koufars, qui sont déclarés koufars, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les athées, les communistes, les laïcs, les démocrates, ainsi de suite. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, les bouddhistes, les hindous, hein, les idolâtres en général, il faut faire le djihad contre eux. Et le but du djihad, bien entendu, comme le cheikh il l'explique pas en détail là, parce que c'est pas le but, mais le but du djihad c'est d'élever la parole d'Allah et d'établir la religion d'Allah, le tawhid sur la terre, et d'enrayer le shirk. C'est ça le but du djihad. Le but du djihad c'est d'établir le tawhid sur la terre et d'enrayer le shirk et d'établir la da'wah à la religion d'Allah. C'est ça le but du djihad et rien d'autre. Le but du djihad, c'est pas de conquérir des terres, conquérir des pays, prendre les richesses des koufars, augmenter le PIB des pays musulmans. C'est pas ça le but du djihad. Le but du djihad, c'est d'appeler les hommes à connaître leur créateur et à se soumettre à lui et à rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'élever la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole. Voilà le but du djihad. Et ensuite, le djihad en même temps aussi, c'est pas du terrorisme. Le djihad et le terrorisme, c'est deux choses différentes. Et qu'est-ce que les groupes de ceux qui se prétendent aujourd'hui des djihadistes ou des groupes qui prétendent être djihadistes, qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans comme attentats terroristes ou groupes armés ou guérillas ou des choses comme ça, n'a rien à voir avec le djihad. eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est le désordre et non pas le djihad. Puisque le djihad, ça se fait avec le dirigeant musulman. C'est-à-dire le dirigeant, le président du pays, avec son armée officielle. Pas avec des petits groupes qui s'organisent tout seuls, puis qui décident d'attaquer ou de combattre qui ils veulent. Yani, ça, c'est pas le djihad islamique. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va pas trop s'attarder parce que c'est pas le sujet fondamental du cours. C'est juste pour expliquer ou clarifier certaines ambiguïtés si c'est nécessaire. Après, le cheikh il dit wa jihad al-munafiqin, c'est-à-dire de faire le djihad aussi contre les hypocrites. Et le djihad contre les hypocrites, c'est par la parole et la clarification. C'est pas avec les épées ou avec les armes. Tu peux pas combattre les munafiqin avec les armes. Les munafiqin, c'est qui? Les munafiqun, c'est ceux qui disent on est musulman, mais que dans leur cœur ils croient pas en l'islam et ils détestent la religion d'Allah et ils détestent la sunna et ils détestent la sharia, mais qu'ils font pas, ils font semblant d'être musulmans, soit pour un intérêt de la dunya ou soit parce que ils sont pas capables d'opposer l'islam ouvertement, donc ils essaient de la détruire de l'intérieur. Ok, et donc la façon de leur faire le djihad, c'est pas avec les armes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait des munafiqines à Médine, il savait qui était un munafiq, qui était pas un munafiq, il savait leur nom exactement, qui ils étaient, mais il les a pas tués. Hein? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'était la tête des munafiqines à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas tué. Hein? Pourquoi? Parce que il disait souvent ça. Il disait, sinon les gens vont dire il tue ses propres compagnons. Hein? Et après, personne ne voudrait devenir musulman. Parce que les gens vont dire, pourquoi je suis devenu musulman puisque après il va me tuer. Hein? Le fait d'être musulman, c'est, ça ne nous protège pas contre son épée. Donc, pourquoi on va être musulman? Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la sagesse et il comprenait que ça, c'était pas la façon. La façon de combattre les munafiqin qui sont infiltrés parmi la Ummah, c'est avec la clarification et les preuves et les explications et l'enseignement. Donc, quand les ulama, par exemple, ils expliquent les règles de l'islam, ça enrage les hypocrites. Et là, ils sortent leurs paroles et leurs critiques et leurs insultes de l'islam. C'est là que nous, on découvre que ce sont des hypocrites et on les réfute avec la parole. Pas autrement, avec la parole. Et eux, les munafiqoun, ils vont ramener des doutes, des ambiguïtés, des choubouhats pour mélanger les gens, pour confondre les gens, pour les troubler dans leurs croyances et dans leur religion, pour qu'ils aient des doutes dans la religion d'Allah, dans l'islam, dans la charia. Et là, les savants, eux, ils les réfutent à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on trouve plus d'hypocrites parmi les gens de bid'ah, parmi les sectes. Parce que parmi les gens de bid'ah, ils sont capables d'exposer plus leur bid'ah leur hypocrisie que parmi les gens qui suivent la sunna correcte. Parce que parmi les gens qui suivent la sunna, les gens de la sunna s'accrochent à la révélation d'Allah, au Coran et à la sunna. Donc ils ne peuvent pas montrer leurs égarements facilement. Mais parmi les gens de bid'ah comme les Rafida ou les Shia ou les Soufia ou les autres sectes, ils peuvent facilement montrer leurs égarements parce que eux sont des gens qui ne respectent pas déjà à la base la révélation. Donc parmi eux, les hypocrites sont nombreux. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunna, ils se méfiaient des gens de bid'ah comme ils se méfiaient des munafiqis. Hein? Donc ils les combattent avec la preuve. La même chose qu'ils combattent les gens de bid'ah avec les preuves du Coran et de la Sunna. Hein? Parce que ça fait aussi partie des catégories de djihad, le djihad contre les gens de la bid'ah. Et le djihad contre les gens de la bid'ah, c'est d'établir la preuve contre eux. Et il y a également le djihad contre les gens qui font des grands péchés et des turpitudes pour qu'ils cessent de les faire. Bien entendu, le djihad contre les pécheurs, c'est pas avec non plus nécessairement avec l'armée là, et les armes, à moins que ce soit des groupes de gens qui sont armés contre l'État musulman, qui veulent faire de la fitna, hein, des exemples comme ça, comme le djihad contre les khawarij aussi. Djihad contre les khawarij, c'est des gens de bid'a, hein, mais le dirigeant, il va faire le djihad contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de les combattre, mais c'est pas n'importe qui a le droit de les combattre, c'est le dirigeant seulement, hein. Il dit ensuite, هذه كلها أنواع من الجهاد الذي عليه على البال أيضا أن يبذل الجهد في طلب العلم والتوسع فيه والعمل على نشره ابتغاء مرضات الله وأنه ضرب من ضروب الجهاد بل قد يكون أنفع وأقوم من الجهاد في المعارك وما ذلك إلا لأنه به يتبين الحق من الباطل والخير من الشر والتوحيد من الشرك ولا يحصل ذلك إلا بالتفقه في الدين ولا يبين ذلك إلا العلماء ولا يمكن للناس أن يكونوا علماء إلا إذا بذلوا جهودهم في تحصيل العلم بالله وبأمره. Donc le cheikh il dit que toutes ces différentes catégories de djihad, ça c'est les catégories que le cheikh avait à l'esprit à ce moment quand il a expliqué. Puis il a dit ensuite également parmi les catégories de djihad, il y a le fait de faire des efforts pour chercher la science et élargir notre connaissance et de travailler pour propager la science de l'islam en recherchant l'agrément d'Allah. Il a dit que ça c'est une des sortes, parmi les différentes sortes du djihad aussi. Donc la quête de la science, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, ça fait partie du djihad fi sabilillah. Et les ulama sont les plus grands parmi les mujahideen. Les ulama d'Ahl Sunna sont les plus grands parmi les mujahideen, et leur djihad, le cheikh dit, il se peut que leur djihad soit le plus bénéfique et le plus le plus droit que le djihad même sur le combat, le terrain de combat, hein? Et les ulama ont dit que ça c'est pourquoi, c'est parce qu'on distingue par la science entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal, entre le tawhid et le shirk. Et c'est ainsi que les gens obtiennent par la suite de la compréhension de la religion, et ça, personne ne peut le clarifier, excepté les ulama. Et ce n'est pas possible pour les gens, yani, de le faire, sauf s'ils sont des ulama. Et les gens ne peuvent pas être des ulama, sauf s'ils ont fait des efforts pour devenir des ulama en cherchant la science d'Allah, hein, et la science de ses ordres. Donc, ici, ça clarifie. Et tu vois, par exemple, un soulard ou quelqu'un qui est dans le péché, qui fait le zina ou qui fait d'autres péchés, il est capable de prendre une arme puis de tirer avec. Tout le monde est capable de faire ça. Mais prendre la science et réfuter les égarés, clarifier la religion d'Allah, enseigner aux gens l'adoration et la aqida, et toutes les règles de l'islam, qui peut faire ça excepté les ulama? Personne, seulement les ulama. Donc le travail que font les ulama, c'est plus grand que le travail de ceux qui sont sur le terrain de bataille en train de tirer, en train de envoyer des flèches ou des tirer des épées. C'est pour ça qu'on a le plus grand respect pour nos ulama et le plus grand amour pour nos ulama à cause du travail qu'ils font pour la religion d'Allah, que personne ne peut faire excepté eux, hein? Comme les takfiris et les djihadis, qui s'excitent et qui veulent tuer les gens par des attentats, subhanallah, parce qu'ils sont en colère de ce que les koufars ont fait comme injustice dans les pays musulmans. N'importe qui peut prendre une bombe et faire exploser 100 personnes, 200 personnes. Quel individu n'est pas capable de faire ça, de le faire, ou de, c'est-à-dire dans le sens que qui n'est pas capable d'appuyer sur un bouton? Tout le monde. Hein? Le problème, c'est que ça ne règle pas le problème. Et non seulement ça, c'est que le but, c'est pas de les tuer, ces gens-là. C'est pas de les faire exterminer ou de les détruire. Le but, c'est de les amener à croire en Allah et à savoir qui est leur créateur et à se sauver de l'enfer et à accéder au paradis que Allah a créé pour les croyants. De les appeler à Allah, de leur enseigner la vérité, ça c'est plus dur. Hein? Donc, aller se faire tuer, comme on dit, aller se faire tuer dans le sentier d'Allah, c'est plus facile que de vivre dans le sentier d'Allah. Hein? C'est ça que l'ulama disait. Al-hayatu fi sabilillah as'abu min al-mawt fi sabilillah. C'est clair. Tu veux te faire tuer, hein, c'est facile, tu peux te suicider, ça prend quelques instants, mais rester en vie et s'accrocher à l'adoration d'Allah et à la science et à l'enseignement et à la clarification de la religion d'Allah, yani endurer toutes les difficultés dans ce chemin-là, ça c'est difficile. Ça c'est les vrais hommes qui peuvent faire ça seulement. Hein, c'est pas les lâches qui vont se faire exploser comme des, hein, comme des peureux ou des lâches. Il y en a des gens, ils font ça par désespoir aussi. Ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Ils désespèrent de la miséricorde d'Allah ou de la vie. Donc ils s'en vont, ils disent, il n'y a rien à faire, donc je m'en vais me faire exploser. Allah Moustan. Il y en a qui se font manipuler parce qu'ils n'ont pas d'aile. Donc ils croient en qu'est-ce que n'importe qui va dire. De toute façon, le cheikh il dit ensuite, وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فطلب العلم جهاد، وأيما جهاد؟ لأن فيه إنقاذا للنفس من الجهل، وحراسة للعقيدة التي لا تحرس إلا بالعلم، ولأن في العلم نشرا له، ولتحيا الأرواح وتحيا القلوب، ولا يمكن لها ذلك إلا بواسطة العلماء الذين لا يمكن أن يحرزوا هذا اللقب إلا إذا بذلوا جهودهم وعكفوا على كتب العلم وعلى أشياخه مدة ليست بالمدة القصيرة وإنما هي مدة طويلة جدا لا يكون لها نهاية حتى يأتي اليقين من الله تبارك وتعالى وطلب العلم في طلب وطلب العلم في طلبه ومستمر في جهاده ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يضيع أجر من أحسن عملا وصلى الله وسلم على وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc le cheikh il termine son livre en disant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué ceci par sa parole, c'est-à-dire il nous a indiqué que le jihad, que la quête de la science fait partie du jihad par sa parole dans sourate Tawbah, le verset 122. Hein? Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? On va lire la traduction. Il dit dans le verset 122, subhanallah. Et les croyants n'ont pas à tous quitter leur foyer, hein, dans la bataille de Tabouk. Après la bataille de Tabouk, la bataille de Tabouk a dévoilé beaucoup d'hypocrites. Après la bataille de Tabouk, tout le monde voulait partir au combat. Personne voulait rester derrière. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset suivant qui dit les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient en leur garde. Et donc c'est pour dire que yani, la quête de la science et la recherche de la compréhension d'Allah, ça fait partie du djihad. Et quel djihad? C'est pas n'importe quel, c'est le plus grand djihad. Et c'est pour ça que, parce qu'il dit, dans ce djihad-là, il y a le fait de sauver son âme de l'ignorance et de préserver la aqidah. Et on ne peut pas la préserver sauf par la science. Hein? Parce que, il dit, parce que c'est dans la science qu'il y a la propagation de cette aqidah et qu'on fait revivre les âmes et les cœurs. Et ça, c'est pas possible excepté par les ulama. Même le djihad, armé contre les kuffars, lorsque les musulmans ont la capacité et quand ça respecte les règles de l'islam, tu peux pas le faire sans ilm. Tu as besoin de connaître les règles et les conditions et tout ce qui s'applique au djihad. Et ça, tu faut l'étudier. Tu peux pas le faire sans apprendre. Après, il dit, le cheikh, il dit, et ça donc, c'est pas possible excepté par l'intermédiaire des ulama, et il n'est pas possible que le cœur se préserve excepté si, c'est-à-dire le cœur, pardon, c'est pas possible qu'on obtienne ce titre, c'est-à-dire le titre de savant, excepté si on a fait l'effort pour acquérir cette science en lisant les livres de science auprès des hommes de science pendant une longue durée de temps, pas une petite durée, pendant un long moment, une longue durée de temps. Et il dit, il n'y a pas de limite ou de fin à cette quête de la science jusqu'à ce que tu meurs, que tu jusqu'à ce que tu aies l'yaqin. Est-ce que ça veut dire ici la mort ou bien la certitude qui vient d'Allah? La mort. Exactement. Parce qu'il y en a des soufis, quand ils ont dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, eux ils ont interprété jusqu'à ce que tu atteignes l'yaqin. Ça veut dire quand tu atteins l'yaqin, la certitude des soufis, après tu n'as plus besoin d'adorer Allah. Tu peux rester assis et faire qu'est-ce que tu veux. Et bien entendu, al-yaqin, c'est la mort. Et il dit, et donc, tu continues à chercher la science et à la chercher et à continuer dans ce djihad en recherchant le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Et Allah, Azza wa Jal, ne va pas faire gaspiller ou perdre la récompense de celui qui a bien agi. Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Donc ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je me rappelle à une époque, il y avait des takfiriens, puis il y avait des djihadis et des khawarij à Montréal. Et puis il disait à tout le monde, il faut aller maintenant, il faut partir, il faut aller en Afghanistan, il faut aller à telle place, il faut aller faire le djihad. Il y avait le Kosovo, avant ça il y avait la Bosnie, il y avait toujours quelque part. Et là maintenant c'est la Syrie. Et ces gens-là ils disent, ah mais vous êtes toujours en train de parler de la science, vous les salafis, vous dites toujours le ilm, jusqu'à quand vous allez chercher le ilm? Cheikh, il a répondu, il a dit jusqu'à la mort. Parce que l'ilm, c'est la quête du ilm, c'est un djihad. Pourquoi tu veux nous faire sortir de ce djihad? Nous, on est déjà dans le djihad. Un meilleur djihad encore. En tout cas, ça c'est juste pour dire. Donc, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. On a complété donc ce livre de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette ce livre donc et cet effort dans la balance du Cheikh au jour de la résurrection, et qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il le fasse rentrer dans le Jannat al-Firdaus, et qu'il fasse miséricorde à ceux qui ont pris le temps de s'asseoir pour apprendre ce livre et l'étudier, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la science bénéfique et la force de l'appliquer et d'agir selon cette science et de mourir sur l'islam et sur une bonne fin. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.